Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Coutumier et canon, le Moyen-Âge fait son droit. Il faut vivre à Rome selon les coutumes romaines. Autrement dit, à Rome fait comme les Romains. Ça, c'est Saint-Ambroise au IVe siècle. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ça, c'est Blaise Pascal, mais bien plus tard, au XVIIe siècle. Le droit d'ici, le droit d'ailleurs. Quelle difficulté que de rendre la justice. Je vais le tuer, sire. Je vais tellement citer et taper sa gueule qu'il va décéder. Sire, je serai vous, je tiendrai la garde pas trop loin. Si je décide de tomber dessus à l'autre machin, là, ça va être une tornade. Il n'y a plus un meuble debout dans la baraque, hein. Alors, pour rester dans l'ambiance, vous allez vous calmer, mais alors, fis ça, parce que sinon, je vous fais tous les deux coller au trou. Remarquez, il n'y a pas besoin de s'énerver. Il a qu'à me rembourser la bête qui m'a buté, et puis c'est tout. Il y en a pour 30 secondes. Ouais, mais j'en connais des versions de 30 secondes, moi, hein, tiens. Je vous file un grand coup de belge dans la tête, et puis on n'en parle plus. Non, mais j'aime bien quand vous venez, c'est vrai. J'ai toujours été fasciné par le monde paysan. Voilà, un petit clin d'œil à Kaamelott pour ouvrir cette émission sur ce droit médiéval. Bonjour Corinne Leveux-Letexera. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce que ce droit coutumier ? On parle de droit coutumier, on peut le définir ? Oh là, c'est très compliqué. Le droit coutumier, c'est un droit qui est oral et qui par conséquent laisse peu de traces, hein, à part dans la mémoire de ceux qui l'ont entendu et pratiqué. Mais on sait que c'est un droit qui était très important, qui a été très important en fait jusqu'à la Révolution, pas seulement au cours du Moyen-Âge. Parce que c'est le droit qui est pratiqué par l'essentiel des habitants de notre vieille Europe, hein, avec évidemment des nuances régionales importantes, hein, des accents en quelque sorte, selon les régions, selon les époques. Donc c'est un droit qui est très important, mal connu, influencé par d'autres droits. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, en particulier par le droit romain, mais sur lequel les historiens du droit sont pas d'ailleurs toujours d'accord, parce que certains disent que le droit coutumier n'existe pas. Aïe. Et que ce qu'il fait exister, ce sont les décisions de justice qui ne sont pas du droit coutumier. Mais bon, moi je pense quand même qu'il y a une présence coutumière très importante, très forte, sur laquelle, on a du mal à avoir des informations objectives. Dans le petit extrait que nous avons entendu de Kaamelott, c'est le roi Arthur, le souverain, qui rend justice. Parce que cette question-là aussi se pose, qui rend la justice ? Bonjour Marie Bassano. Bonjour. Au Moyen-Âge, qui rend la justice ? On a ces souvenirs scolaires souvent que c'est le seigneur qui rend la justice. Alors, c'est le Seigneur, mais ça n'est pas que le Seigneur. Si c'était le Seigneur tout seul, ce serait bien plus simple pour nous. La justice, pendant toute la période du bas Moyen-Âge, est un privilège. Rendre la justice est un privilège. Avoir le droit de se présenter devant certaines cours est un privilège. Et la justice va être rendue selon qui vous êtes et selon où vous êtes. Donc, il y a une multiplicité des institutions juridictionnelles, hein, les cours seigneuriales, hein, les cours ecclésiastiques, les cours royales. Hein, tout ça s'enchevêtre avec des ressorts qui sont à la fois extrêmement fins et extrêmement flous. Toutes ces juridictions n'appliquent pas le même droit. Elles n'appliquent pas le même droit. Ce qui ajoute encore à l'enchevêtrement et à la masse des juridictions médiévales. Plusieurs juridictions et vous nous dites plusieurs droits. Alors, est-ce qu'on peut les évoquer, ces droits ? Nous avons évoqué le droit coutumier, donc difficile les à manier les droits coutumiers parce voilà. Que il y a la coutume dans chaque province. Absolument. Coutume de Normandie, coutume voilà. D'Orléans, s'il vous plaît. D'Orléans, oui, parce que là, c'est clin d'œil à l'université d'Orléans. Corinne Leveux-Letexera, vous êtes professeure d'histoire du droit à l'université d'Orléans. Ces coutumes-là, c'est une chose, mais ces autres formes de droit, quelles sont-elles ? Alors, donc, dans le droit coutumier, donc, vous avez toute une déclinaison complexe. Hein. Il y a aussi des droits, on va dire, professionnels. Vous avez également les droits des villes, hein, des cités, hein, qui peuvent bénéficier d'un certain nombre de franchises et de privilèges. Marie évoquait tout à l'heure les seigneurs. Certains seigneurs ont également des règlements seigneuriaux, prennent un certain nombre de dispositions qui peuvent intéresser leur seigneurie. La grande affaire, enfin, ce qui structure un petit peu, disons, l'Europe du droit pendant la plus grande partie du Moyen-Âge, c'est quand même le droit de l'Église, hein, le droit canonique, hein, qui lui-même est un droit un peu pluriel. Enfin, en gros, on arrive à se mettre d'accord sur le droit canonique de Stockholm à Séville, enfin, après que Séville soit devenue chrétienne. Mais enfin, en tout cas, pour l'essentiel de l'Europe, il y a un consensus sur le droit de l'Église. Il y a les droits des rois dans les différents royaumes. Je crois que vous allez faire une émission sur l'Angleterre, hein, donc c'est aussi un cas particulier. Donc on a effectivement une concurrence, ou en tout cas une pluralité des sources du droit, des normes juridiques, avec une possibilité qu'on a parfois un peu négligée pour les justiciables, de choisir finalement et la juridiction et le droit qu'ils veulent se voir appliquer. Donc il y a une forme de ce qu'on appelle aujourd'hui le forum shopping, c'est-à-dire qu'en fait on va décider pour celle ou telle affaire, parce que c'est plus intéressant, parce que c'est plus rapide, parce que c'est moins cher, d'aller sur un droit plutôt que sur un autre. Marie Bassano, mais alors vraiment, ça demande une immense connaissance de cette forme de droit au moment d'avoir fait, je sais pas moi, une infraction ou de vouloir attaquer quelqu'un, se dire vers quelle juridiction je vais aller ? Alors, il y a aussi des questions d'habitude. Hein. Tout le monde n'est pas absolument versé dans tous les droits. On n'est pas forcément comme la situation que vous décrivez hier, Soisy Kernis, pour la période impériale romaine d'une extrême juridicisation de la société où tout le monde savait comment était en justice. Mais de fait, la décision de justice est très présente. Elle est vraiment présente. Alors, le choix n'est pas le même pour tout le monde. Hein. Le choix n'est pas le même pour tout le monde, et selon les lieux, évidemment, le statut social, les options ouvertes sont pas les mêmes. Plus on avance dans le Moyen-Âge, hein, plus la connaissance du droit, des mécanismes et de la justice se diffuse dans la société. Oui, et c'est là qu'intervient notamment l'université. Nous avons un moment majeur si nous regardons ce Moyen-Âge. Il faut le rappeler sans cesse, hein, le Moyen-Âge, c'est un temps très long. On ne peut pas parler du Moyen-Âge comme un tout. Y a-t-il un moment particulier où l'on voit que le droit bénéficie d'un nouveau regard ? Alors, à partir du XIIe siècle, il y a un phénomène absolument majeur qui se produit, c'est que les sources juridiques vont connaître un réveil extraordinaire après plusieurs siècles de léthargie, depuis grosso modo la disparition de l'Empire romain d'Occident. XIIe siècle, on a d'abord phénomène majeur, la redécouverte par l'Occident médiéval des sources juridiques romaines. On redécouvre les compilations de Justinien, dont vous avez parlé hier, et dont on avait plus ou moins perdu la connaissance, même s'il y avait des lieux et des moments où elles avaient ressurgi. Et puis, quelques temps plus tard, à peu près un demi-siècle plus tard, ce sont les sources canoniques qui vont se réveiller avec la rédaction d'une grande collection, d'une grande compilation de textes canoniques, qui est le décret de Gratien, et qui vont redonner un coup d'envoi au développement des sources juridiques. Et non seulement les sources juridiques sont rénovées, mais en plus, phénomène extraordinaire à partir du XIIe siècle, elles vont faire l'objet d'un enseignement. On a un droit qu'on dit en français droit savant, les Allemands préfèrent parler de l'expression de droit enseigné, gelernte Recht. On a un droit savant qui se construit et qui est une véritable science du droit, qui se construit dans les écoles du XIIe siècle, puis dans les universités à partir du XIIIe siècle, et qui va participer au développement de la pensée juridique, au développement des idées juridiques, au-delà et indépendamment de la question de l'application directe ou non de ce droit savant. Au XIIe siècle, le droit devient une science que l'on enseigne à l'université. Je vais vous poser la question du avant, parce que c'est complexe d'imaginer comment le droit était perçu auparavant. C'était quoi le droit auparavant ? On sait que durant l'Antiquité romaine, il y avait ce droit romain qui était déjà une science, qui semble avoir été perdu en tant que science. C'était quoi le droit en fait ? Il n'y avait pas cette idée de construction intellectuelle, de réflexion autour du droit ? Alors le droit existait, hein, il a toujours existé en fait, il n'y a pas de société sans droit. Donc déjà, par rapport à une vision qu'on a parfois, une vision un peu simpliste ou un peu spectaculaire d'une renaissance du droit qui partirait from scratch et puis où il y aurait en gros avant les ténèbres et après la lumière. Je crois qu'il faut vraiment changer. Enfin, cette vision-là, elle est vraiment trop simple. Avant ce qu'on appelle la renaissance des droits canoniques et romains, il y avait une pratique juridique plus ou moins nourri de textes romains, puisqu'en fait, avant, il y avait quand même le code théodosien, qui était la Bible des juristes qui habitaient à Rome, dans l'Empire d'Occident, et qui a un peu surnagé malgré la disparition de l'Empire romain d'Occident. Il y a des traces d'une utilisation du droit romain via le code théodosien et ses simplifications successives. On en a des traces dans des chartes, dans des cartulaires, dans des actes de la pratique, dans des lettres. Donc ça existe. Il y a cette fameuse coutume sur laquelle il est très très difficile d'avoir des informations précises. Et puis l'Église également, elle fonctionne comme institution bien avant Gratien. Donc on a des collections canoniques, on a des conciles, on a des synodes, on a des assemblées générales, qui tout ça légifère. Donc on a un ensemble de textes qui sont utilisés pour construire des actes juridiques, pour organiser des situations juridique. Simplement, ce qui va changer véritablement à partir de la fin du XIe et du XIIe siècle, effectivement, c'est la manière de concevoir le droit, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un droit pratiqué à un droit qui fait l'objet d'une théorisation, d'une formalisation très rationnelle et d'un enseignement. Donc ça change tout et ça va donner des cadres qui, pour une partie d'entre eux d'ailleurs, existent encore aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement, vous l'avez dit en exergue de votre émission, hein, l'histoire du droit c'est du temps long. Donc c'est évidemment du temps court de contexte, on travaille sur de l'événementiel, évidemment comme les historiens généralistes, mais aussi c'est du temps long parce que le droit, ce sont des structures qui perdurent souvent sur plusieurs siècles, des concepts, du vocabulaire, toute une grammaire des actes juridiques qui s'élabore à ce moment-là et dont nous sommes encore pour une large part les héritiers. Une histoire où l'université joue un rôle primordial, hein, on l'a évoqué avec ce XIIe siècle, ce regard nouveau porté au Moyen-Âge sur le droit est dans la sauce bolognaise évidemment. À la fiercité contrôlant les routes de la Méditerranée et de l'Adriatique, à cette seigneurie convoitée par les plus puissantes familles italiennes, avant que le tourbillon napoléonien ne l'élève un temps au rang de capitale du royaume, l'Europe du droit des hommes devra beaucoup. C'est Bologne qui, au XIe et XIIe siècle, incitera les hommes vivant en deçà et au-delà des Alpes, sous des législations diverses et souvent contradictoires, à revenir à l'examen des lois romaines pour en dégager l'idée de l'égalité comme fondement nécessaire à toute vie en commun. Bologne, qui dès le XIIIe siècle deviendra métropole du droit et accueillera dans ses écoles des étudiants venus de tous les pays d'Europe. L'université de Bologne, présentée sur France Culture en 1980. Marie Bassano, cette université de Bologne est-elle celle qui a permis la redécouverte du droit romain, au sens où nous entendons bien souvent beaucoup de légendes sur cette redécouverte soudaine du droit romain? Alors, oui et non. Réponse de Normand. Oui, pourquoi? Parce que c'est dans ce nord de l'Italie, et dans la région de Bologne en particulier, que ressurgissent, à partir de la fin du XIe siècle et tout début du XIIe siècle, les compilations de Justinien. Alors, elles ressortent d'une façon que les hommes du Moyen-Âge vont considérer comme étant tout à fait extraordinaire. On forge très vite des histoires farfelues sur cette redécouverte. Les soldats de Pise partant combattre à Amalfi auraient trouvé des exemplaires, des compilations dans une maison en ruine. Enfin, on ne sait pas très bien comment elles ressurgissent, hein, mais très très vite elles ressurgissent. Et les premières traces qu'on a de l'enseignement, d'une lecture en public et d'un enseignement dispensé de ces compilations, c'est effectivement dans la région de Bologne. On est dans les années, soit à l'extrême fin du XIIe siècle, soit dans les années 1120. Soit dans les années 1120, début du XIIe. Donc oui, Bologne a un rôle extrêmement important. Elle va lancer le mouvement. Elle va fixer des manières de faire en adaptant les méthodes qui jusque-là étaient utilisées dans les écoles de grammaire, dans les écoles de rhétorique, à des textes juridiques qu'on se met à étudier comme on étudie les textes philosophiques, comme on étudie la Bible, etc. Mais Bologne n'est pas la seule université. Bologne n'est pas le centre de l'univers juridique à cette période, puisque très très très vite la concurrence s'installe. La concurrence s'installe un peu partout en Europe. On a des zones où très vite commencent à s'établir des centres d'enseignement du droit autour de personnages que souvent on connaît très mal. Ils sont restés anonymes. Ils étaient dans l'entourage de seigneurs. Ils avaient une activité de conseil, de juristes, de praticiens. Et autour d'eux, ils groupaient des étudiants qui étaient désireux d'apprendre les lois romaines. Et très vite, on a une concurrence qui s'établit avec des centres d'enseignement qui surgissent dans toute la vallée du Rhône, qui surgissent dans tout le bassin, toute la côte méditerranéenne, jusqu'à Béziers, jusqu'à Montpellier. On a des concurrences aussi qui s'établissent à Paris. Très vite, des écoles de droit fonctionnent à Paris, qui s'étendent, qui ont des liens intellectuels avec tous les milieux autour de Cologne, autour de Mayence, autour de Metz. On a des écoles de droit qui s'établissent dans le sud de l'Angleterre, à Oxford, qui sont en lien avec des milieux normands. Donc, on a très vite des zones où l'étude du droit rencontre un engouement extraordinaire, et on le sait parce qu'on a des textes qui sont produits par cet enseignement, des textes doctrinaux, qui sont très vite d'un très très bon niveau, et qui produisent des doctrines qui sont originales et qui ne sont pas nécessairement celles de Bologne. Donc le XIIe siècle, c'est vraiment un moment d'effervescence. Bologne est là, Bologne est présente, Bologne est la grande sœur, mais Bologne n'est pas toute seule, c'est pas Bologne et le désert juridique. Marie Bassano, vous êtes professeure d'histoire du droit et des idées politiques à l'Université de Toulouse Capitole, vous êtes l'autrice de Maître à élève, enseigner le droit à Orléans. Ah bah tiens Corinne, le velot, etc. Je me disais, vous êtes professeur à l'Université d'Orléans. J'ai le sentiment qu'il s'est passé quelque chose à Orléans. Il se passe tellement des choses à Orléans. D'ailleurs, je vous invite à venir à Orléans. Il s'est passé, alors ça sera plutôt peut-être Marie qui pourra répondre à cette question sur la formation du studium orléanais dans le premier tiers du XIIIe siècle. Donc par rapport à Bologne, on est quand même en décalage. Je voudrais juste ajouter deux choses par rapport à ce qu'a dit Marie. La première chose, ça concerne la très grande difficulté de ces sources romaines qui sont étudiées. Probablement d'abord à Bologne, puis ensuite dans toute l'Europe. Ce sont des textes, je pense en particulier à ce qu'on appelle le digeste, qui est une compilation de doctrines. Ce sont des textes qui sont très difficiles d'accès, dans un latin très elliptique, qui manient des concepts pas toujours faciles à comprendre. Donc je crois qu'il y a un premier élément que je voudrais quand même souligner, c'est la grande rapidité d'adaptation par rapport à des textes qui sont vraiment difficiles. Et grâce notamment aux outils rhétoriques, à l'analyse des textes auxquels les juristes avaient été formés en amont, notamment par l'étude de la Bible, il y a tout un travail de découverte de ce droit, de compréhension de ces textes, qui est remarquable et qui se fait relativement vite. Le deuxième point que je voudrais apporter à l'exposé qui a précédé concernant Bologne, c'est par rapport à ce qui a été dit sur Gratien tout à l'heure, parce que de manière assez troublante tout de même, ce fameux Gratien qui a donné un peu un coup de pied dans la fourmilière canonique, il est aussi de Bologne. Alors on ne sait pas grand-chose sur lui, mais on sait qu'il se passe quelque chose à Bologne, probablement des liens étroits entre des enseignants du droit romain, peut-être Bulgarus et Gratien. Mais il y a eu une fécondation, une double fécondation, à la fois du droit romain et du droit canonique, à Bologne. Pourquoi Bologne ? Parce qu'on est dans une Italie qui est en pleine effervescence économique et sociale, parce qu'il y a un mouvement de dynamisation des échanges, parce qu'il y a le mouvement urbain, et donc parce qu'on a une faim et un besoin de droit. Donc tout ça, encore une fois, moi je veux vraiment insister là-dessus. Bien sûr, c'est du droit savant, bien sûr, ça passe par les écoles, mais il y a quand même un besoin de la société qui s'exprime et qui rend cet accès au droit nécessaire, où il y a des débouchés très vite vers la vie économique et sociale. Alors, sur Orléans, la spécialiste mondiale, c'est Marie Bassano. Marie Bassano, Orléans. Alors, Orléans surgit quelque part dans les années 1930, dans la décennie 1230. Pourquoi Orléans ? En fait, on ne le sait pas du tout. Pourquoi d'un coup, on décide de s'installer sur les bords de la Loire pour faire une école par là ? La question est encore et encore extrêmement troubles. En revanche, on sait que ce sont des diplômés de Bologne qui arrivent, qui s'installent. Ce sont des diplômés de Bologne qui, pour le dire vite, ne trouvaient pas de poste à Bologne. Ils étaient dans l'école qui, à ce moment-là, était l'école minoritaire dans la doctrine bolognaise. On leur laisse pas la place là-bas, donc ils viennent s'établir à Orléans. Et Orléans va devenir une des écoles majeures du XIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que, alors d'abord, à ce moment-là, on est dans une période aussi où tout le nord de l'Italie va se trouver à partir du milieu du XIIIe dans des troubles entre Guelfes et Gibelins. Évidemment, les universités vont s'en ressentir, il y a régulièrement des épurations. Donc les étudiants qui accouraient en masse de toute l'Europe dans ces universités nord-italiennes finissent par les délaisser et cherchent d'autres centres d'enseignement du droit. Et puis Orléans va avoir deux éléments tout à fait particuliers. D'abord, le premier, c'est que Orléans va être la grande école au moment où les juristes, où la pensée juridique reçoivent, eh bien finalement, tous les apports de la scolastique, tout ce qui est en train de se développer avec la nouvelle logique parisienne autour de Saint-Thomas et d'autres qui renouvellent complètement la lecture d'Aristote. Donc le XIIIe siècle, c'est vraiment l'entrée de nouveaux outils logiques, de nouveaux outils rhétoriques, de nouvelles manières de réfléchir au sein de la doctrine. Ce qui fait que ce XIIIe siècle, il va être celui où on se détache de ce qu'on faisait au XIIe siècle, une étude très littérale des textes, très exégétique des textes, pour aller vers vraiment le développement de concepts beaucoup plus synthétiques, beaucoup plus poussés, beaucoup plus approfondis, où on a d'autres mécanismes de réflexion. On se met à penser par exemple l'exception et la règle, et plus simplement la juxtaposition de règles qui pourraient avoir des sens différents. On se met à les coordonner, à réfléchir à comment tout ça peut s'articuler. Donc on a vraiment ce premier point très important pour Orléans, c'est la grande école qui va recevoir la scolastique, parce que c'est celle qui est active à ce moment-là. Et le deuxième grand point, pour rebondir sur ce que disait Corinne, c'est que Orléans très vite va former massivement les cadres de l'administration royale, les cadres de l'administration ecclésiastique, les cadres des cours princières. Il y a toujours eu dans toutes les universités médiévales qui enseignent le droit le souci de praticité qui est présent. La coupure entre l'école et le palais, elle ne date que du XVIe siècle, finalement. Pendant tout le Moyen-Âge, on n'apprend pas le droit pour le plaisir d'apprendre, pour le plaisir de intellectuel. On apprend un droit qui sert, qui débouche sur des carrières qui sont des carrières en plus lucratives pour les juristes qui les pratiquent. Et il y a un besoin absolument massif qui va aller en se développant pendant toute la fin du Moyen-Âge, qui bénéficiera en plus en grande partie, alors ça ne concerne pas en premier lieu Orléans, mais ça va concerner toutes les universités du sud de la France, de l'installation de la papauté à Avignon. Et d'ailleurs, soulignons que plusieurs papes avignonnais sont des Orléanais, sont des juristes diplômés de l'école d'Orléans. Donc il va vraiment y avoir un besoin massif dans les chancelleries de juristes. Et Orléans devient une espèce d'école nationale d'administration. C'est l'ENA avant l'heure. Orléans fournit des cadres de manière absolument massive. Double particularité d'Orléans, si je puis me permettre. On est en cœur de domaine royal. Donc on est vraiment ici sous la protection et en connexion étroite avec le roi de France. Donc il va très vite comprendre l'intérêt qu'il a à avoir cette université qui forme effectivement ses cadres au droit romain. Donc pour lui, c'est tout bénéfice. Il va pouvoir en plus s'arroger le titre d'empereur, en quelque sorte, grâce à l'utilisation du droit romain. Et puis la deuxième particularité d'Orléans, et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on est en pays de coutume. Mmh, exactement. Et ça, à mon avis, c'est une des explications de la distance prise par les Orléanais par rapport au droit romain. C'est-à-dire qu'en fait, les Bolognais, pour faire simple, Marie disait, finalement, les profs qui sont venus à Orléans, c'est un peu des dissidents. C'est des gens qui sont un peu sur une idée minoritaire, et Bolognais, majoritaires, sont plutôt des gens qui sont très fidèles à la lettre du droit romain, dans une attitude que je qualifierais, si je suis gentil, de respect, si je suis moins gentil, de servilité à l'égard du droit romain. Orléans, c'est une terre qui est une terre de coutume et où, par conséquent, il y a une revendication de distance par rapport au droit romain, de révérence bien sûr, mais de distance, d'autant qu'on est dans le royaume de France et que le royaume de France ne veut surtout pas considérer qu'il fait partie de l'Empire. L'Empire, c'est terminé. L'Empire, c'était les empereurs romains, mais le roi de France est souverain. Il veut pas dire qu'il fait partie de l'Empire, parce qu'il y a un empire en Allemagne, dans ce qui va devenir l'Allemagne plus tard, l'Empire romain de nation germanique. Et donc, le droit romain est utilisé comme un droit, mais surtout pas comme une revendication politique qui pourrait servir à l'empereur. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, le fait qu'on soit en terre coutumière et le fait qu'on soit sous la dépendance directe du roi de France, les Orléanais donc, ont nourri une forme de distance intellectuelle à l'égard du roi romain. Ils l'ont utilisé, bien sûr, mais ils l'ont utilisé pas comme les Bolognais, pas comme un droit d'application directe, mais comme une ressource intellectuelle pour construire de nouvelles formes juridiques. C'est en cela qu'ils sont vraiment originaux. Marie Bassano. Parce que finalement, pour en revenir à ce que vous évoquiez en début d'émission, qu'est-ce qu'ils trouvent dans le droit romain? Pourquoi le droit romain va les attirer autant? Pourquoi d'un coup, à partir du XIIe siècle, l'Europe occidentale est complètement secouée par ce droit romain? Ils trouvent la justice. C'est ce que vous disiez hier avec Soisy Kernéis. Ils trouvent la justice. La justice, elle est partout dans les compilations. Pas le droit, la justice. Rendre justice et une justice pour tous rendue par une autorité publique. Ce qui ressemble absolument pas à l'époque dans laquelle ils vivent. Donc le droit romain n'est pas du tout perçu par eux comme étant quelque chose qui serait de l'ordre d'un âge d'or passé, dont il faudrait étudier les choses de manière très très intellectuelle et détacher des contingences actuelles. Le droit romain, pour eux, c'est vraiment un modèle de société à faire advenir, en composant avec le réel. Donc il y a vraiment un effort extraordinaire, en particulier à Orléans, pour rebondir sur ce que Corinne disait, autour de la coutume, la réflexion, comment articuler les deux? Comment intégrer dans l'édifice juridique extraordinaire qui est ce droit romain, comment intégrer la coutume, comment intégrer la réalité juridique préexistante dans cet édifice qu'ils sont en train de construire? Oui, parce que ce n'est pas le droit romain qui efface toutes les autres formes de droit. C'est en cela que c'est passionnant de voir comment, en fait, la réflexion fait que tout arrive à se fondre, au sens d'ailleurs où ces juristes qui étudient le droit romain découvrent dans le droit coutumier qui était là des éléments qui correspondent bien, en fait. Absolument, absolument. Il y a une interaction qui est assez extraordinaire, qui bénéficie aux deux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une compréhension du droit romain depuis la coutume, notamment par les Orléanais, puisque eux baignent dans un monde qui est un monde coutumier. Mais il y a aussi une transformation profonde de la coutume qui est liée à l'enseignement du droit romain et donc à l'inscription dans la coutume de concepts qui viennent du droit romain. Donc on peut pas imaginer ça. On n'a pas un droit ascendant, un droit descendant. On n'a pas un surplomb et un droit qui serait le réceptacle. On est vraiment dans une dynamique ici d'interaction extrêmement riche, parce que encore une fois, tous ces juristes reçoivent une formation qui est peu ou prou à peu près la même, et qui sont ensuite astreints à mettre en œuvre cette formation dans des actes tout à fait concrets. Un autre élément très important, je voudrais souligner également, et qui explique aussi le succès du droit romain, c'est que c'est une ressource absolument gigantesque qui arrive. Quand on dit on redécouvre les textes de Justinien, on se rend pas forcément compte de la masse considérable que ça représentait. Mais en fait, le corpus Iuris Civilis, c'est plus en volume, c'est plus que la Bible. Donc il faut bien comprendre que c'est véritablement une révolution, parce que dans cet ensemble de textes, vous avez la connaissance, la jurisprudence multiséculaire de Rome, qui a certes été formatée par les juristes de Justinien, mais vous avez un ensemble absolument gigantesque de textes, des milliers de textes, de concepts. Donc c'est pas simplement un texte, c'est une véritable bibliothèque qui est redécouverte et qui va profondément renouveler, reféconder le droit et le transformer de façon absolument irréversible. Et une histoire, on l'a dit, et il faut le souligner sans cesse, qui s'écrit sur ce temps très long, parce que ce code justinien nous conduit au VIe siècle. Absolument. En fait, il nous conduit même avant, puisqu'il était le réceptacle. C'est le dernier état du droit romain avant la chute de l'Empire romain d'Occident. Et c'était le réceptacle de 1000 siècles de droit romain. Donc, quand ils redécouvrent ça, en réalité, ils n'ont pas conscience de la profondeur historique et de l'épaisseur temporelle des textes qu'ils ont entre les mains, mais en fait, ils ont un recueil de 1000 ans de droit romain. Donc évidemment, ça induit que certains textes sont contradictoires les uns avec les autres, ça induit que les objets juridiques, les concepts juridiques ont évolué avec le temps, et donc on les trouve sous plusieurs formes à l'intérieur de cette masse de textes. Et c'est ça qui va leur... C'est un des problèmes qui va se poser à eux, et une des richesses de la pensée juridique au Moyen-Âge, c'est qu'il va falloir se réapproprier, non seulement le vocabulaire, comme on le disait tout à l'heure, mais cette épaisseur chronologique qui fait que un concept juridique dont on a perdu pendant plusieurs siècles les mécanismes, les tenants et les aboutissants apparaît en fait sous de multiples formes à l'intérieur de ces compilations. Comment ça se passe pour comprendre ces textes dont même le vocabulaire a été oublié en partie, ou en tout cas le sens profond n'est plus tellement compris? Comment font tous ces juristes? En fait, ils glosent. Ils glosent beaucoup. Donc en fait, ils vont dans un premier temps avoir une lecture assez littérale des textes. C'est-à-dire, ils vont vraiment se poser la question du sens des mots. En dégageant parfois un sens littéral et puis un sens plus moins littéral, enfin plus éloigné. Et puis progressivement, ils vont essayer de construire des théories, mettre les textes en rapport les uns avec les autres, et essayer de trouver une cohérence. Hein. Marie soulignait les contradictions entre certains textes, hein. elles sont réelles. Et puis ils vont essayer de proposer des explications parfois un peu farfelues. Hein. L'exemple le plus connu, c'est celui du contrat, hein, puisque les spécialistes du droit romain trouvent un contrat qui est un contrat qui n'est pas un contrat complètement consensuel, donc ils sont embarrassés pour expliquer comment ça peut fonctionner un contrat. Donc ils vont inventer une théorie qui est très jolie, qui est la théorie des vêtements du contrat, des vêtements du pacte, en expliquant que certains contrats, pour pouvoir être mis en œuvre, doivent avoir des vêtements très chauds, c'est-à-dire en fait des rituels, des gestes, des paroles, parce que dans le droit romain, vous avez des contrats dits formalistes, c'est-à-dire que pour pouvoir passer un contrat, je dois faire certains gestes, je dois prononcer certaines paroles. Donc c'est ce que les romanistes appellent les vêtements très chauds. Donc il faut vraiment couvrir en quelque sorte le pacte de ces gestes et de ces paroles. Et puis il y a d'autres contrats qu'on appelle des contrats consensuels, qui sont des contrats beaucoup plus spontanés, qui se forment par un accord de volonté. Hein. On se met d'accord pour faire une émission ensemble, vous aviez Mauduit, on s'appelle, ok, pas besoin de gestes, pas besoin de paroles particulières, l'accord est créateur de droit, et les romanistes vont un peu ramer, là, pour trouver... Ils vont dire, finalement, c'est un contrat qui est très gras et qui n'a pas besoin d'avoir un vêtement très chaud. Donc, c'est un voile léger pour expliquer, finalement, qu'il y a très peu de forme dans les contrats consensuels. Voilà. Donc, ils ont eu aussi, il y a une part d'imagination, mais ça marche bien. Ça marchait bien avec les étudiants du XIIIe siècle. Ça marche toujours pas mal avec les étudiants du XXIe, hein, cette histoire de contrat vêtu ou dévêtu. Marie Bassano, c'est ça, enfin, de maître à élève, c'est utiliser des images telles qu'on vient de l'évoquer. Exactement, il y a tout le processus d'enseignement, enfin c'est un processus pédagogique, hein. Et le droit savant va se développer à partir de ça, c'est-à-dire que les œuvres de cabinet, les traités théoriques qu'on écrit dans son bureau tout seul, ne vont surgir que finalement relativement tard, hein. Il faut attendre la fin du XIIIe, le début du XIVe, tout ce qu'on a avant, ce sont les cours. Ce sont les formes d'enseignement. Et donc, le droit qui se développe est un droit enseigné, encore une fois. C'est le droit qu'on dispense aux étudiants avec toutes les images qui vont avec, avec toutes les théories qu'on invente pour leur faire comprendre, pour le rendre applicable. Donc, on a vraiment, ce souci de très grande praticité. On ne raisonne pas pour le raisonnement, on raisonne vraiment pour que ça devienne quelque chose qui parle aux esprits des contemporains. Avec beaucoup d'échanges. Avec aussi, c'est dans la thèse de Marie Bassano, hein, parfois d'un passage, notamment à Orléans, un passage du latin au français. Parce qu'on a des étudiants, l'enseignement se fait en latin, c'est du droit romain, c'est écrit en latin. Et puis il y a les étudiants orléanais, ils ont un peu de mal avec le latin des fois. Et donc du coup... on a des professeurs qui disent, allez-y, quoi, posez des questions. Et puis, comme les étudiants n'osent pas poser des questions, on leur dit, mais faites-le en français. Et donc, on sait qu'il y avait, vraisemblablement, à Orléans, je parle sous ton contrôle, Marie, hein, un enseignement qui pouvait se faire en français. Oui, et qui, cette question de la langue, elle est extrêmement intéressante parce que, on a la même période, on a au moment où ces universités se développent, alors sur des chronologies qui ne sont pas celles des universités, mais enfin, on reste dans les mêmes ordres de grandeur. On a tout un mouvement de mise en français de textes juridiques, à la fois les textes des compilations et les textes de doctrine, hein, en langue vernaculaire, plus exactement, à la fois dans le sud et dans le nord de la France. Hein. Il y a tout un travail aujourd'hui qui est fait à l'École des Chartes autour de Frédéric Duval, hein, pour étudier ses très nombreux manuscrits, et qui est tout à fait étonnant parce que c'est à la fois extrêmement lié aux écoles, hein. Ce sont des productions d'école qui sont mises en français, ce sont des textes utilisés dans les écoles qui sont mis en français, et en même temps ça ne s'adresse pas à un public scolaire. Ça s'adresse... mis en français, c'est traduit, hein. Oui, traduit, c'est une traduction, hein. Oui. c'est des traductions au long cours. Des traductions au long cours, des compilations, encore une fois, qui sont des masses énormes de textes. Donc, on a des traducteurs qui se mettent à traduire ces textes en langue d'oc, en langue d'oil, pour les rendre accessibles à qui ? Alors, la question, elle est encore aujourd'hui posée. Hein. Le travail ne fait que commencer. Enfin, Frédéric Duval, il travaille depuis un certain temps. Il a commencé à faire un certain nombre d'éditions. Lui et d'autres, hein. Il n'est pas tout seul autour de lui. Mais ça veut dire quoi ? Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça veut dire que ça transpire en dehors des écoles. C'est pas juste les écoles qui s'intéresseraient ou la pratique qui s'intéresserait. Ça rentre dans la culture de l'homme savant de la fin du Moyen-Âge. Hein. Il a des textes juridiques dans sa bibliothèque, y compris des textes en français. Des textes traduits. Des traductions de textes romains. Parce que rappelons, c'est quand même du latin difficile. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que des textes qui sont qualifiés de coutumiers, notamment le livre de Justice et de Plaie, le Conseil à un ami de Pierre de Fontaine, sont en réalité des traductions du droit romain. Voilà. D'accord. Donc le droit coutumier, là, on retrouve ce lien avec le droit romain. Le droit coutumier lui-même est-il mis à l'écrit ? Parce que là, nous sentons que nous sommes dans un grand mouvement de mise à l'écrit et de traduction. Il y a ce droit coutumier. Bah, on peut en rajouter un peu. À partir du XIIIe siècle, on va avoir un très vaste mouvement, alors qui prend des formes différentes au nord et au sud, hein, mais un très vaste mouvement de mise par écrit des coutumes, très largement influencé par le pouvoir royal. Hein, à partir du XIIIe siècle, dans des mesures qu'on mesure encore mal, très clairement, à la fin du Moyen-Âge, il est profondément influencé par le pouvoir royal. Et cette mise par écrit, c'est pas une mise par écrit d'un droit coutumier préexistant, c'est une mise par écrit qui rénove, qui met à jour, qui complète, qui transforme le droit coutumier, et qui le transforme en grande partie sous l'influence du droit romain. Donc finalement, les versions écrites qu'on va avoir des coutumes à la fin du Moyen-Âge, ce sont des versions écrites qui sont des versions amalgamant des mécanismes romains au sein des mécanismes coutumiers. Voilà, donc faut imaginer ces juristes qui se réunissent et qui glosent. Alors naturellement, il est facile de gloser, de critiquer ce que vous appelez les shows. Mais après tout, les shows, c'est pas tellement les participants au sommet qui les font. Ce sont les médias qui les font, les shows. Bon, alors, si vous estimez qu'ils sont excessifs ou inutiles, vous avez qu'à les rendre plus modestes. Quand le président Chirac s'exprimait en 2000 à propos du G8, il parle des shows. Alors non pas les vêtements chauds que vous évoquiez, hein, Corinne Velot, etc., mais les shows, les spectacles. Et le président Chirac utilise ce mot glosé, mais avec l'aspect complètement négatif qu'il y a autour de ce mot aujourd'hui. Hein. Oh, glosé, c'est critiquer, etc. C'est quoi glosé, en fait ? Alors, G-L-O-S-E-R, c'est quoi glosé ? La glose, c'est vraiment un commentaire. Voilà. Donc, en fait, des gloses, il y en a des centaines de milliers. Et il y a, en gros, deux grandes formes de gloses. La glose dite interlinéaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez votre texte de droit romain, il faut bien se représenter une chose. Alors, qui est toujours un peu surprenante pour nous, c'est que les textes, ce sont des textes manuscrits. D'accord? Ce qui, à la fois, rend leur diffusion, évidemment, plus lente et moins importante qu'un texte imprimé. Donc ça, c'est un premier élément. Donc, on travaille sur des textes manuscrits. Et donc, on va, entre les lignes, en tout cas dans un premier temps, entre les lignes de ces textes manuscrits, insérer un certain nombre de commentaires sur un mot ou sur une idée contenue dans le texte qui est glosé. Donc, pour nous, le texte de droit romain. Donc, prenons par exemple un texte du Code de Justinien, une constitution. Il y a un mot qui va poser problème et donc la personne qui va lire ce texte, éventuellement qui va l'enseigner, va inscrire sous le mot qui pose problème un petit commentaire précisant le sens de ce terme. Les premières gloses sont des gloses anonymes, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui les a écrites, et assez vite, ces gloses vont être signées d'une initiale qui permet de savoir qui a produit ces gloses. Et puis, assez rapidement, dans un deuxième temps, parce que entre les lignes, vous voyez assez bien comment le problème, même quand on fait beaucoup d'espace entre deux lignes, bah, on arrive au bout du process et on n'a plus de place pour écrire de gloses. Donc, on va commencer à écrire les gloses dans les marges. C'est ce qu'on appelle les gloses marginales, avec tout un système compliqué de renvois, de lettres, de signes diacritiques qui permettent de savoir à quelle partie du texte la glose répond. Et donc, on va faire des gloses, puis des gloses de gloses, puis des gloses de gloses de gloses. Et finalement, comme on a de plus en plus du mal à s'y retrouver, il va y avoir un grand travail de mise en ordre qui va être opéré encore une fois par un Italien, encore une fois par quelqu'un de Bologne qui s'appelle Accurs. Là, on est au début du XIIIe siècle, qui va prendre toutes ces gloses et qui va en proposer ce qu'on appelle la grande glose, c'est-à-dire une glose ordonnée ou ordinaire, ordinaire non pas au sens de banal, mais au sens de mise en ordre, et qui va donc fixer en quelque sorte l'interprétation majoritaire pour ces fameuses gloses, ce qui va éviter de se retrouver avec des gloses de gloses de gloses de gloses et d'avoir un texte à peu près stabilisé. Mais pour autant, le travail de commentaire ne va pas cesser, il va se poursuivre tout au long du Moyen-Âge, suscitant l'ironie mordante des juristes du XVIe siècle qui vont balayer toutes ces gloses d'un revers de manche et aussi un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que dans ces gloses, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, surtout au début, parce que comme souvent, c'est souvent au début qu'on est le plus créatif, le plus original, et donc on a des gloses qui sont très intéressantes, parfois difficiles à lire, mais très intéressantes au XIIe et au XIIIe siècle. Marie Bassano. Oui, je voudrais ajouter que la glose et les commentaires dans les marges ou en dehors des marges ne sont pas la seule forme d'enseignement finalement. La glose, ça correspond à une des formes d'enseignement qu'on va trouver dans ces écoles médiévales, qui est un enseignement très magistral. Le maître en chaire lit les textes et propose des gloses et des interprétations autour. Mais plus on avance dans le Moyen-Âge, plus d'autres formes d'enseignement prennent de l'importance, qui sont précisément les formes qui mettent le plus en lien le droit avec la pratique. Par exemple, on va se passionner pour une forme d'enseignement qu'on appelle la dispute, autour de questions disputées, qui sont des espèces de cas pratiques, et où l'enseignement consiste en quoi ? Eh bien, une question est posée, de préférence absolument farfelue et extrêmement tordue, et deux personnes s'affrontent, deux maîtres, un élève, deux élèves, peu importe, pour échanger des arguments juridiques qui vont soit dans le sens, dans un sens, soit dans l'autre, pour essayer de résoudre la question. Et en général, ce sont des questions extrêmement farfelues. Par exemple, une question qui va être débattue, mais débattue pendant des siècles, parce que finalement, la réponse importe peu. Ce qui compte, c'est d'échanger des arguments. Donc, une question qui va être très débattue à l'école d'Orléans, c'est deux pêcheurs qui sont sur une barque, sur la Loire. L'un des deux tombe à l'eau. Le deuxième le repêche avec une énorme épuisette. Et quand il le repêche, le premier pêcheur, celui qui est tombé à l'eau, tient dans ses mains un esturgeon. Et la question, c'est à qui appartient l'esturgeon ? Et ça va les faire discuter pendant des siècles. Donc là, on est sorti du texte, on n'est plus dans le texte, mais on le mobilise, parce qu'on va trouver des arguments dans le texte qui vont appuyer soit la thèse que le poisson appartient au premier pêcheur, soit la thèse qu'il appartient au deuxième. Donc, plus on avance dans le temps, plus la glose, qui était l'étape phare, le moment, qui était vraiment le cœur de l'enseignement juridique et de la création juridique au XIIe et au début XIIIe, plus ça devient finalement, plus c'est délaissé au profit de formes d'enseignement qui permettent de plus en plus de virtuosité détachée du texte. Ah bah là, il y a de la virtuosité avec cette histoire de pêcheur. J'aimerais bien avoir des éléments de réponse. Florine Leveleux, Texeira. Oui, ce que je voudrais vraiment souligner, qui est central dans cette affaire, c'est la question de l'interprétation. En fait, la question qui est posée par le droit romain est celle de savoir qui est légitime pour interpréter et pour délivrer un sens. Pourquoi c'est une question très importante ? Parce que au Moyen-Âge, l'empereur romain d'Occident, il n'y en a plus. Et donc, on n'a pas d'interprète autorisé. Par conséquent, les interprétations, en quelque sorte, sont ouvertes. Elles sont libres et elles font l'objet de débats, elles font l'objet de discussions. Il y a une vraie différence ici avec le droit canonique. Le droit canonique, qui est l'autre grand droit savant, est un droit qui est différent et à la fois semblable au droit romain. Il est semblable parce qu'il emprunte les concepts du droit romain, la forme du droit romain, les méthodes du droit romain, mais il est profondément différent pour deux raisons majeures. La première, c'est que le droit canonique est un droit vivant, c'est-à-dire que l'Église continue de légiférer, alors que le droit romain est un droit qui est clos dans son corpus, à son petit corpus, et puis c'est terminé. Quelques ajouts à la fin du XIIe, au début du XIIIe siècle, mais somme toute peu de choses, par des empereurs romano-germaniques, mais en revanche, le droit de l'Église est un droit vivant, et surtout, s'agissant du droit de l'Église, il y a un interprète, qui est le pape. Donc là, on n'est plus dans le même cercle herméneutique, on est dans un cercle qui, à un moment donné, lorsqu'il s'agit de trouver une solution, eh bien, on la trouve en demandant au pape de donner l'interprétation qui est l'interprétation valable, qui va valoir pour l'ensemble de la chrétienté. Oui, parce que ce droit canonique est vraiment absolument au cœur de toutes nos réflexions. Nous avons beaucoup parlé du droit romain, du droit coutumier, comment l'un et l'autre sont en écho, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres institutions dès le XIIe siècle, l'Inquisition. Coupable, la sorcière qui a séduit un moine et qui a pratiqué ses rites diaboliques au sein même de ce lieu sacré. Coupable, Salvatore, ce compagnon de Dolcino qui a confessé son passé et qui a été surpris en flagrant délit avec une sorcière. Coupable, Remigio de Varagine, qui, non content de ne pas se repentir et de ne pas renier ses crimes de Dolcinien, a tenté de s'enfuir après avoir assassiné le frère herboriste. Mensonge ! Je n'ai pas tué l'herboriste, ni personne dans cette abbaye. Ainsi donc, je vous demande de confirmer ma sentence, messer l'abbé. Mon cœur est plein de chagrin, mais je ne vois nulle raison de contester la juste sentence de la Sainte Inquisition. L'Inquisition, dans le film Le nom de la rose de Jean-Jacques Hanau, d'après le roman d'Umberto Eco, l'Inquisition fondée au XIIe siècle. Alors, dans Le nom de la rose, nous sommes un peu plus tard, hein, nous sommes au XIVe siècle. L'université discute du droit. Très bien. Mais l'université, c'est un univers lié à l'Église. L'université, c'est pas hors de l'Église. Quelle est la place du droit canonique, du droit romain à l'université? C'est enseigné dans le même mouvement? Comment ça se construit tout ça? Ben, les réponses sont variables. En fait, par exemple, prenons deux exemples relativement proches géographiquement. À Paris, l'enseignement du droit romain a été interdit au début du XIIIe siècle pour ne pas faire de concurrence à la théologie, parce que en fait les jeunes esprits qui allaient aux écoles parisiennes étaient très attirés par les carrières juridiques, hein, qui sont des carrières lucratives. Et donc on a préféré orienter ces jeunes esprits vers la théologie. Donc le droit romain n'est pas enseigné à Paris. En revanche, le droit canonique, lui, est enseigné à Paris, dans une faculté qu'on appelle la faculté de décret. À Orléans, on enseigne le droit romain. On enseigne aussi un peu le droit canon, mais on enseigne fondamentalement le droit romain. Et donc, ça dépend, en fait, des universités. Certaines universités enseignent les deux, certaines un seul. Ça dépend un petit peu des régions. Il est clair qu'il y a une certaine concurrence entre les deux enseignements, des convergences, mais aussi une certaine concurrence. Mais on a aussi des gens qui sont formés dans les deux droits. On les appelle les docteurs in utero quae, hein, puisqu'en fait, les deux droits sont, encore une fois, assez complémentaires, avec, encore une fois, des variations selon les régions. Oui, on peut parler d'une rivalité entre ces droits, parce que, en fait, les juridictions ne concernent pas tout à fait les mêmes problèmes pour le droit romain, le droit canon, c'est-à-dire le droit de l'Église. Marie Bassano. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à parler de rivalité, mais il y a des points sur lesquels c'est des univers qui sont assez... tout en étant assez proches, hein, Corinne l'a souligné, et en partageant un fond conceptuel identique, il y a aussi des éléments qui marquent une divergence des deux droits. Hein. Ce ne sont pas deux univers complètement fongibles l'un dans l'autre. Par exemple, cette question de l'autorité et de l'interprète qui a autorité pour interpréter, c'est vraiment une grande divergence. Qui va orienter la doctrine canonique, hein, pendant tout le XIIIe siècle, sur quoi elle va réfléchir? Elle va réfléchir sur la place du pape dans l'Église, elle va réfléchir sur ses pouvoirs, et elle va réfléchir, parce que ça les intéresse aussi, sur le rapport des docteurs, des interprètes, des spécialistes en droit canonique par rapport au pouvoir pontifical, hein, avec cette espèce de vision des choses qui est que le bon peuple chrétien ne sait pas ce qui est bon pour lui, qui va le savoir, qui va pouvoir le guider, le pape en légiférant, et les docteurs en expliquant ce que le pape a voulu dire en légiférant. Alors bon, la situation elle est plus compliquée que ça, parce qu'il y a d'autres législateurs dans l'Église, hein, mais on a a une espèce de doctrine qui, à partir du XIIIe siècle, finalement, conforte l'autorité du pape dans l'Église, à la tête de l'Église, vient lui donner des outils conceptuels pour exercer son ministère. Hein, et puis, ce faisant, on profite pour recueillir un peu de cette autorité, une très très belle théorie du ruissellement, finalement, où les juristes, au service de la papauté, sont recouverts de cette espèce d'autorité. Eux aussi, ils savent. Eux aussi, ils sont au-dessus du troupeau des chrétiens, quoi. Donc, on a vraiment des positions, enfin une manière de concevoir le système juridique sur lesquels il y a des divergences entre canonistes et romanistes. Gouverner les hommes, gouverner les âmes, c'est le titre de votre ouvrage, Corinne Leveleut, etc. Mais c'est ça aussi, faire le droit. Nous sentons que détenir le droit, ou en tout cas maîtriser, savoir dire le droit, c'est aussi une forme de pouvoir. C'est aussi une forme de pouvoir, et c'est aussi une vraie différence entre les spécialistes droit romain et ceux qui s'occupent du droit de l'Église, puisque en fait l'Église a des juridictions qu'on appelle les officialités, et qui existent dans toute la chrétienté, absolument partout, et qui appliquent le droit canonique, ce qui n'est pas le cas du droit romain. Le droit romain est un droit d'enseignement, d'université, mais il n'est pas d'application immédiate, en tout cas en France, il n'est pas d'application immédiate. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utilisé. Mais vous pouvez pas arriver devant une juridiction, devant la cour du bailli d'Orléans, en lui disant « Ah ben, le code justinien dit ça », ça marchera pas. Ça peut être un argument que vous allez utiliser, mais vous pouvez pas vous référer directement à une constitution d'un empereur romain pour faire appliquer la loi. Ça marche pas. Il faut faire un détour, alors que pour le droit d'Église, le droit canonique, encore une fois, c'est un droit qui s'applique absolument à tous les chrétiens via les officialités. Ça, c'est une vraie différence quand même. Et donc, ça rend effectivement, à mon avis, les perspectives un peu différentes s'agissant des deux droits, encore une fois, complémentaires et un peu rivaux, faut quand même dire les choses. Ce sont deux carrières également différentes, la carrière ecclésiastique et la carrière civile. L'une étant quand même sensiblement plus rémunératrice que l'autre. Voilà, parce que c'est au cœur aussi de ces questions-là. C'est une histoire sociale qui s'écrit avec des trajectoires, des destinées de vie et du travail. Non mais quel boulot ils ont fait autour de cette mise en forme de ces textes, la glose est sans cesse commentée. C'est un travail immense. Hein. Les sources, alors là, elles sont très présentes, mais elles doivent être très dures à manier aussi tellement. Très dures à manier. Avec effectivement parfois des interprétations un peu flottantes, beaucoup d'histoires drôles aussi, mais effectivement c'est un travail considérable qui est lié à la difficulté des textes, qui est lié aussi à des études qui sont longues. Les études juridiques commencent après la formation en arts libéraux, et donc ça entraîne une complexité qui a d'ailleurs parfois un peu dérouté les populations. C'est-à-dire, en fait, on a commencé par là tout à l'heure sur la culture juridique. Et c'est vrai que voilà, les juristes ont un peu mauvaise presse parce que on dit ah ils compliquent tout, le langage du droit, on parle de juridisme, le langage du droit c'est pas un langage très accessible, c'est pas complètement faux. Il y a une forme de technicité dans laquelle se complaisent un certain nombre de juristes parce que encore une fois le droit c'est un objet scientifique donc qui suppose un travail, qui suppose un ticket d'entrée, qui suppose l'apprentissage de concepts et de méthodes pour pouvoir être mis en œuvre et pour pouvoir produire des effets, soit directement, soit via, par exemple, une sentence devant un tribunal. Marie Bassano. Mais cette masse de textes produits par les hommes du Moyen-Âge, c'est du pain béni pour les historiens du droit aujourd'hui. C'est un océan absolument infini qu'on est toujours en train de découvrir. On continue à exhumer des textes, on continue à relire et à réinterpréter des manuscrits qu'on avait un peu trop négligés. Et il y a beaucoup de place et beaucoup de choses à faire en histoire du droit médiéval aujourd'hui. Venez nous rejoindre si vous êtes un jeune étudiant devant votre radio. Tu es jeune, tu as envie d'apprendre plein de choses. Viens nous retrouver. Voilà, tout le monde va gloser autour du droit. Mais Marie Bassano, sur cette question des sources, vous êtes l'autrice de Maître à élève, enseigner le droit à Orléans. Sur la transmission, est-ce que là, les sources sont aussi nombreuses? C'est difficile, ça, sur ce quotidien de la transmission. Orléans, en plus, est un cas particulier, puisqu'une partie des archives institutionnelles a brûlé pendant la dernière guerre mondiale.